إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Que je n'ai créé les hommes, ou les djinns et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Ce verset démontre le but de la création de cet homme, de ce mukallaf, sur qui s'imposent les charges de la religion. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Et la victoire n'est que dans la mort sur l'islam, la seule religion qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les causes pour obtenir le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y parvenir sont nombreuses. Il se peut que le musulman n'ait pas eu les causes pour obtenir beaucoup de ilm, beaucoup de science pour appliquer, ou qu'il ait peu de force pour multiplier le grand nombre d'actes d'adoration. Il sait, mais il n'a pas une grande motivation. Il se peut qu'il n'ait pas eu beaucoup de biens pour dépenser fi subul al-khayr, dans les sorties du bien et autres. Ou qu'il puisse avoir autour de lui une famille, ou qu'il ne puisse plutôt avoir autour de lui une famille qui soit un soutien dans sa religion. C'est-à-dire qu'autour de lui, il n'y a personne dans sa maison où il vit. Ou alors qu'il vive malgré lui en un lieu peu propice à évoluer de façon saine et qu'il ne peut se déplacer, sortir de ce lieu. Mais il y a une chose qui reste à sa portée, où qu'il soit, d'accord, tant que cela lui est possible, c'est le choix de ses fréquentations à Julasa, lorsque celle-ci s'offre à lui, bien évidemment. Et ces Julasa, ces fréquentations, soit elles sont très bénéfiques, ou bien à l'inverse, elles peuvent lui porter préjudice, être la cause de sa perte. Et notre religion, l'islam, La yad'uhu ila masalih al-ibad, qui n'appelle qu'au bien, à ce qui porte un profit aux serviteurs. C'est pour cela que notre Seigneur, à travers son noble livre, le Coran, ou par le biais de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous exhorte à donner une grande importance à ce point qui est les bonnes fréquentations et le bon entourage. Et ces fréquentations et relations, elles sont vues d'un point de vue général, comme celles qui sont bâties, par exemple, sur la base, il y en a fait asl al-iman, la base de la foi, ou al-hubbu fillah, l'amour en Allah, ou bina al-mu'minin, l'amour entre les croyants, dun al-kuffar, comme a dit Allah Ta'ala, ou al-mu'minun ou al-mu'minat, ba'duhum awliya ou ba'd, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhawna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salah, wa yu'tuna az-zakah, wa yuti'una Allah wa rasulah, ulaika sayarhamuhum Allah, inna Allah 'azizun hakim. Que les croyants et que les croyantes sont alliés les uns aux autres, qu'ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, et qu'ils accomplissent la salat, et qu'ils s'acquittent de la zakat, et qu'ils obéissent à Allah ainsi qu'à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde, et certes, Allah est puissant et sage. Wa qala subhana, am hasibtum an tutraku, wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, wa lam yattakhidhu min dunillah, wa la rasulihi, wa la mu'minina, wa liyjah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Pensez-vous que vous allez être délaissé, c'est-à-dire sans épreuve, sans que Allah ne sache que qui sont ceux qui ont lutté parmi vous et qui n'ont pris en dehors d'Allah de ce messager, qui n'ont pas pris d'alliés, que n'ont pas cherché d'alliés en dehors d'eux. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Wa qala subhana innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Que votre seul allié, c'est Allah ainsi que son messager et ceux qui y ont cru, parmi ceux qui font la salat et qui s'acquittent de la zakat et qui sont inclinés. Et celui qui cherche allié en dehors d'Allah, ou plutôt celui qui cherche allié, qui s'allie à Allah ainsi qu'à son messager et à ceux qui y ont cru, alors sachez que le parti d'Allah, ce sont eux qui sont les vainqueurs. Et dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que certes les gens de Abi Fulaid, de Abi Antel qui étaient parmi ses proches sans qu'il n'ait été nommé dans le hadith ne sont point mes alliés, c'est-à-dire c'était ses proches parmi, par rapport au lien de parenté, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils ne sont pas ses alliés, mais il a dit mon allié c'est Allah ainsi que les croyants pieux. Et les preuves sur l'obligation de l'alliance avec les croyants de façon générale comme on dit sont très nombreuses. Cela inclut un amour donc et une relation aussi minime soit-elle. Yani les croyants ne se fréquentent qu'entre eux. Et c'est loin d'un mécréant des koufars. Nous, les croyants, Inch'Allah, nous sommes amenés à nous réunir obligatoirement, en différentes occasions, comme pour les salawat, chaque jour, 5 fois par jour, ou pour les janaïs, par exemple, la salat sur le mort. Ou yani salat al-Eid. Et en moins d'occasions, nous sommes amenés à nous réunir tous ensemble. Et cela n'a lieu qu'entre nous. Les koufars ne participent pas à cela avec nous. Puis, le cercle de ces fréquentations, lui, se resserre un peu plus par la suite. Car, bien évidemment, les mu'minoun, laysu ala darajatin wahida. Ils sont de différents niveaux. Ils ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous sur la droiture. Parmi eux, il y a des gens de la masse, les awam. Parmi eux, il y a les gens de désobéissance. Les rossards, comme on dit, et les faussaires, les pervers. Et parmi eux, il y a Ahlil Ahwa, les gens des passions et des bidars, mais qui sont toujours sur l'islam. Donc notre choix, lui, doit se tourner vers les gens de la sunna de façon générale. Ceux qui ont une compréhension saine, pure, authentique de la religion, et cela en premier lieu, car ça, c'est la chose la plus importante. Fahm al-din ala wajh al-sahih. Comme Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يُشَكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لُلْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Que quiconque fait scission avec le messager après que la voie lui ait été parvenue, elle lui ait été éclaircie, et qui suit une voie autre que celle des croyants, alors nous le détournerons et nous le guiderons vers le feu. Et quelle mauvaise destination. Et là, le sens des croyants sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De comprendre la religion comme eux ils l'ont comprise, bien évidemment. Wa qala subhanahu wa ta'ala wasbir nafsak ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dans le sens où Allah dit, et patiente en étant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui veulent par cela son visage, c'est-à-dire qu'ils sont sincères, et ne tourne pas ton regard d'eux, et cela en voulant les parures de ce bas monde, et n'obéis pas à ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui suit ses passions, et dont le comportement est outrancier. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, après qu'il citait la cause de descente de ce verset, qui était que certains gens parmi les notables, les gens riches, ont voulu se réunir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont voulu de lui qu'il fasse sortir des gens pauvres. Le verset est descendu pour cela. D'accord? Et cela par orgueil. Wa qala rahimahullah ta'ala wal maqsoud bi dhalika an yakuna ma al mu'minin al muttaqin alladhina hum awliya'ullah wa in kanu fuqara du'afa. Que le sens de cela, c'est que Allah azza wa jalla a voulu qu'il soit avec les croyants pieux, ceux qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont pauvres et faibles. إلا أن قال ولا تطيع أمر الغافلين عن ذكر الله متبعين لأهوائهم. Et qu'il dit que le verset veut dire ne suis pas les inattentifs, ceux qui sont inattentifs au rappel d'Allah et ceux qui suivent leur passion. Ils sont quand même dans Majmou al-Fatawa. Et par la suite, le cercle de ces jolassa, de ces fréquentations, vient encore à se rétrécir. Car même si on fréquente les gens de la sunna, et que cela c'est une obligation, cela n'implique pas que tout sunni soit forcément fréquentable en lui-même, dans l'absolu, c'est-à-dire pour toi. Parmi eux, certains qui sont des désobéissants. C'est un sunni, il a une bonne aqidah, il a un menhaj qui est clair, cependant il a un comportement, par exemple, qui est à revoir. Il s'occupe de choses qui sont inutiles, il perd beaucoup de son temps, il ne fait pas d'ijtihad dans talab al-ilm, il est fainéant, autre que cela. Il est très négligent face aux actes d'adoration, et autres. Et ou bien il a un penchant pour la dunya, par exemple. Donc, ils ne sont pas tous égaux. bien qu'ils gardent tous leurs mérites, ils ne sont pas tous égaux. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an Sa'id, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kama ja'a 'inda Abi Daud, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa at-taqiy. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que tu ne dois tenir compagnie qu'aux croyants, c'est-à-dire que tu ne fréquentes pas les mécréants. Là, ça revient au premier point qu'on avait dit. Et seuls les gens pieux mangent ta nourriture, c'est-à-dire tes invitations, tes assemblées privées, ne sont qu'avec les gens qui sont de droiture. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Que le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le faible. Et tous enferment du bien. Donc, tant qu'il est sur la bonne voie, il est sur un bien. Cependant, il n'est pas forcément la personne qui va t'amener à avoir le plus de bien. Yani, pour ton dîne. Donc, et toi, il te revient de choisir celui qui t'apportera ce qui t'est utile. Fi hadi dunya wa fil akhira. En ce bas monde et dans l'au-delà. Bima tanalu bihi rida rabbik. Par laquelle tu peux obtenir l'agrément de ton Seigneur. Et cela autant que tu peux. Taïeb. Donc parmi les intérêts dont tire profit le serviteur à choisir les bonnes fréquentations et d'éviter les mauvaises, en premier lieu, Hadha min tamthil ou l'imtithal bi amrillahi azza wa jal. C'est l'application de l'ordre de notre Seigneur, comme l'indique le verset précédemment cité. Et les actes les plus aimés auprès d'Allah sont qu'on applique ses ordres, comme vous le savez. Donc cela est la chose qui est préférée auprès d'Allah, qu'on fasse ce qu'il nous dise de faire, avant même les actes rogatoires. Et également, pour preuve de ce point-là, tous les versets généraux dans l'alliance avec les croyants que nous avons cités en début. Car ces versets-là peuvent avoir un sens général et un sens un peu plus particulier. On peut l'appliquer sur les croyants, tout comme on peut l'appliquer également sur les gens pieux. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuha allazina amanu, la tattakhidhu bidanatan min dounikum, la ya'lunakum khabala, waddu ma ghadittum, qad balatil baghda'u min afwahihim, wa ma tukhfi sudurhum, Akbar, qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Car ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient vous voir en difficulté, que l'animosité a déjà apparu de leur bouche, et ce qu'ils renferment en eux est encore plus grave. Nous avons certes déjà éclairci les signes, si jamais vous pouviez raisonner. Donc ce verset-là peut être appliqué par rapport aux croyants de façon générale avec les mécréants, tout comme avec les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Car eux aussi détestent les gens de la sunna et leur veulent du mal. Donc on ne les prend pas en confident. Kazalik, parmi ces bonnes fréquentations, cela est un suivi de la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu pour compagnon que les meilleurs des hommes, comme cela est connu. De sa sunna, de choisir les bons compagnons. Et c'est une règle importante à connaître que les ulama citent souvent, que Allah Azza wa Jal n'a choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'il a eu dans sa vie et les choix qu'il a eu à faire sont les meilleurs. Donc de surcroît, ses compagnons étaient les meilleurs. Comme a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, « Inna Allah nazara fi kouloub al-ibad, fa wajada kolb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayl kouloub al-ibad, fa stafahu li nafsihi, wa bta'athahu bi risalatih. » Que Allah Azzawajal a regardé dans le cœur des serviteurs. Et il a trouvé que le cœur de Mohammed, il a vu que le cœur de Mohammed était le meilleur des cœurs parmi ses serviteurs. Donc il l'a choisi pour lui, c'est-à-dire pour qu'il puisse apporter son message aux hommes. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدْ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْلِ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وِزَرَى نَبِيِّهِ. Et ensuite, il a vu Allah Azzawajal dans le cœur de ses serviteurs et a vu que les meilleurs des cœurs sont ceux de ses des sahaba. Donc il en a fait quoi? Qu'ils soient les compagnons de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, son soutien et son assistance. Kazalik, parmi les fawaid des bonnes fréquentations, que toi-même, quand tu fréquentes les bonnes personnes, que toi-même tu sois cité et vu en bien. Bihamdillah. Pour preuve, mathalan, les versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des sahaba. رضي عنهم كما قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بدأ ذلك الفوز العظيم. Les premiers, les précédents, parmi les premiers, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qu'ils ont suivis dans le bien, Allah les agrée et ils agréent Allah. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils y seront éternellement. Et ça, c'est la grande victoire. Donc, combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala cite les vertus des sahaba? Et كذلك, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui était le meilleur des sahaba, fut lui-même cité particulièrement dans le Coran. حينما قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. Le verset qui est descendu lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est parti pour faire sa hijra, il a pris la fuite avec Abu Bakr lorsqu'ils se sont cachés et que les Quraysh les poursuivaient. Qu'il a dit quoi? Il a dit à son compagnon dans le Coran, Allah a nommé Abu Bakr comme étant صاحبه, son compagnon, ne sois pas triste, car Allah est avec nous. On peut ajouter également parmi les fawaïd de ces bonnes fréquentations, que tu peux être toi-même compris dans la baraka qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens de bien, même si tu n'es pas de leur rang. Même sans être de leur niveau, par ta proximité de ces gens-là, tu peux être atteint d'un grand bien. La preuve en cela, c'est l'histoire des gens de la caverne, Surat al-Kahf, qui s'étaient sauvés de leur peuple. Et qui après, ils ont été, Allah Azza wa Jal les a endormis pendant 300 ans. Qu'est-ce qu'il y avait avec eux? Un chien. Un chien. Comme on parle de ta'ala. « وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْكَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُكَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَهِ بِالْوَصِيدِ » Il a dit, tu les crois éveillés alors qu'ils sont endormis. Et nous les retournons, c'est-à-dire quand ils dorment, ils se tournent sur la droite et sur la gauche. Ne reste pas sur une seule et même position. Et que leur chien, aux portes de la caverne, avec les pattes, quand même étalées. Donc là, Ibn Kathir, rahmallahu ta'ala, cite par rapport à ce verset, قال, وَشَمِلَتْ كَلْبَهُمْ بَرَكَتُهُمْ فَأَصَابَهُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ النَّوْمِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَهَذَا فَيْدَتْ صُحْبَةِ الْأَخْيَارِ فَإِنَّهُ سَارَ لِهَذَا الْكَلْبِ ذِكْرٌ وَخَبَرٌ وَشَأْنٌ. Qu'il a dit quoi? Que ce chien a été également compris par la baraka de ces gens-là, avec qui il était de ses maîtres. Donc, comme ils ont dormi, lui aussi il a dormi avec eux, mais à la porte de la caverne, c'était pas à l'intérieur. Et c'est quoi la faïda de... Il dit, ça c'est une faïda qui apporte le fait de fréquenter ou d'être accompagné des bonnes personnes. Car ce chien, par sa présence avec ces gens-là, a été cité, il a été évoqué, et il a eu un certain rang. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a parlé de lui, un chien. Pourquoi? Pour sa présence avec ces gens qui ont été miraculés, qui étaient parmi les awliyas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il s'agit là d'un simple chien avec ses maîtres, alors qu'en est-il du fils de Adam, dont Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré les fils de Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, et nous leur avons accordé les bonnes subsistances. Et nous les avons préférés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Donc qu'en est-il? Et là, ce verset-là, des fils de Adam, parle des êtres humains dans leur ensemble. Que l'être humain a été élevé par rapport aux animaux. Alors on va dire quoi maintenant? Qu'en est-il du croyant pieux? Qu'en est-il du croyant pieux? On peut trouver dans ce bab-là, Bafalen, ceux qui sont des toulab, toulab al-ilm, des étudiants en sciences, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la fierté. D'accord? Et la joie d'être des élèves d'un savant de mérite réputé, d'accord, pour la droiture. Il peut le dire, moi j'étudie chez Cheikh Intel, il en est fier. Et il a de quoi l'être. Il a de quoi l'être, car il a côtoyé une personne de vertu, une personne de mérite. Tout en sachant que le mérite n'est pas dans le simple fait d'avoir côtoyé ce savant, mais de rester sur sa voie. Car beaucoup de gens, Masalen, autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des munafiqoun, ils étaient avec lui, ils ont fait le djihad avec lui. Pourtant, ils sont les pires, les gens les plus bas dans le feu. Donc, côtoyer ce savant, ce alim, en soi, si ce n'est pas en étant sur sa voie, ça n'importe pas de faïda. Bien au contraire, cela est un argument contre toi, que tu n'as pas compris sa science. Parmi les fawa et des bonnes fréquentations, que tu seras rattaché aux gens que tu fréquentes. Car ces gens-là représenteront ton reflet aux yeux des gens. Et ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement expliqué. Bi qawlihi an Abi Hurayra, ar-rajulu ala din khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil, qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, que l'homme est sur la religion de son ami le plus proche. Donc que chacun d'entre vous voit qui est-ce qu'il prend comme ami proche. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra, al arwah junud mujannada, fa ma ta'arafa minha ittalaf wa ma tanakala minha ikhtalaf. Qu'il a dit que les âmes sont comme des troupes qui s'assemblent. Celles qui se lient entre elles, celles qui se reconnaissent, c'est-à-dire qui sont sur une même voie, se réunissent. Et celles qui sont différentes se repoussent. D'accord ? Hadith rapporté par Muslim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Mas'ud ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Rasulullah kayfa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Qu'un homme est venu et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu d'une personne qui aime des gens, il les aime, d'accord, mais il ne peut accomplir ce qu'ils accomplissent, il n'a pas atteint leur niveau. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mar'u ma'a man ahabba, que l'homme est avec celui qu'il aime. D'accord ? Tu es avec celui que tu aimes. Et cela se verra à travers tes actes. Même dans cela, on tire des règles même religieuses, comme par exemple, ce qui touche au mariage en religion, qu'on ne peut marier un bon avec une mauvaise, ou une bonne avec un mauvais. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, « Al-zani la yankihu les zaniyaten en mushrika, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin en mushrik, wa hurrima zalika ala al-mu'minin. » Que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou alors une associatrice polythéiste, et que la fornicatrice, elle, n'épousera qu'un fornicateur ou bien un associateur, et cela a été interdit aux croyants. L'imam Sa'adi rahmallahu ta'ala, à propos de ce verset, il dit que le fornicateur, seules des femmes comme lui vont se présenter à lui, et pareil pour la femme. Que seule une femme qui est connue pour être une fornicatrice, seuls des fornicateurs vont s'approcher d'elle. D'accord ? Ou alors des associateurs, des koufars. On le voit souvent, par exemple, en France, les sœurs pieuses, d'accord, de vertu et de retenue, et qui ont l'apparence légiférée, tu ne verras pas, à la base, des gens mauvais s'approcher d'elle. Ou alors vraiment quelqu'un de mauvais qui veut lui faire du mal. Mais il ne sera pas attiré par une femme comme ça, ou alors c'est qu'il a au fond de lui un bien, et qu'il veut que cette femme-là soit une cause pour qu'il se mette sur la droiture. Quoi qu'il en soit, on ne le marie pas avec elle tant qu'on n'a pas vu de lui la droiture. Par contre, tu verras les perverses, les dépravées, les dévergondées, les fasiquates, comment elles sont habillées parmi les musulmans. Elles sont attirées. Elles attirent qui ? Les gros pervers. Et même les koufars. On le voit beaucoup. C'est un fait. Donc cela était interdit aux croyants de se marier, ou à la croyante de se marier avec ce genre de personnes-là. Wa qala subhanahu wa ta'ala, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Qu'il a dit dans le sens les mauvaises pour les mauvais et les mauvais pour les mauvaises et les bonnes pour les bons et les bons pour les bonnes. Quand l'imam Sa'adi par rapport à ce verset, que toute mauvaise personne, homme ou femme, ou alors mauvaise parole ou alors mauvais acte, revient au mauvais et sera lié à cette personne-là. D'accord ? C'est-à-dire les mauvaises paroles reviennent aux mauvaises personnes. Les mauvais actes reviennent aux mauvaises personnes. Et les mauvaises femmes reviennent aux mauvais hommes. Et les mauvais hommes reviennent à qui ? Aux mauvaises femmes. Et le contraire. Et le contraire, bien évidemment. Et il expliqua que ce verset à la base était descendu lorsque les munafiqoun ont accusé Aïcha radiallahu anha d'avoir commis l'interdit, l'adultère. Vous voyez ? Donc ce verset-là est venu pour dire que si jamais vous accusez Aïcha radhiyallahu anha d'un acte aussi mauvais, alors cela revient à quoi ? À vouloir diffamer son mari. Car Allah azawajal n'a choisi pour son prophète, comme nous l'avons dit, que ce qu'il y a de meilleur. Donc la meilleure des femmes. Il ne revient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir une femme commettre cet acte-là. Par contre, ce qui est venu par rapport aux femmes de Nour et de Lot, qu'elles ont trahi, ce n'est pas une trahison liée à la vie conjugale, qu'elles ont trahi en faisant zina. C'est une trahison religieuse, qu'elles n'ont pas suivi leur croyance et leur voie. Mais qu'elles n'ont pas, non plus, cela ne veut pas dire qu'elles ont été, quand même, wala'az billah, les tromper, comme on dit, les trahir, par leur personne. Là. Donc le verset dit bien qu'une bonne personne reviendra, les bonnes personnes reviendront entre elles, et les mauvaises reviendront entre elles. Naam. Qu'est-ce qu'on voit également parmi ce que Allah Azzawajal nous a autorisé, qui est de nous marier avec les kitabiyat, les femmes des gens du livre, les chrétiennes et les juives. Mais quoi qu'il en soit, avec lesquelles, pas n'importe lesquelles, ce n'est pas toute chrétienne qui nous est permise, ni toute juive qui nous est permise, mais lesquelles, les chastes, celles qui n'ont pas d'amant. Donc cela amène à quoi ? Nous fait constater que les fornicatrices nous sont interdites dans l'absolu, ni parmi les muslimas, ni parmi les kitabiyat, les gens du livre, et encore moins parmi les polythéistes. Car cet acte-là est un acte qui est immonde, et les gens de bien ne peuvent s'en approcher. Et quand bien même quelqu'un, mathalène, c'est possible qu'une personne soit éprouvée, un homme qui se marie avec une femme qui était une zaania, fornicatrice, mais ne le savait pas, elle l'a caché. Et que cela lui est paru par la suite, après qu'il soit marié avec elle. À ce moment-là, il lui est obligatoire de se séparer d'elle. Sauf si elle se repentit et qu'il accepte de lui pardonner. Sans quoi, s'il sait que c'est une femme qui va avoir d'autres hommes, il lui est obligatoire de se séparer d'elle. Et s'il ne se sépare pas d'elle, qu'est-ce qui lui arrivera ? Par cette fréquentation-là, les gens parleront sur lui dans son honneur. Donc cela revient à quoi ? Aux mauvaises fréquentations. Fréquenter les mauvaises personnes, cela nous expose au châtiment qui leur revient à eux. C'est-à-dire que même si toi tu n'as pas accompli le mal qu'ils font, ta présence ou ta compagnie avec ces gens, que tu sois en présence de ces gens-là, amène à ce que tu sois exposé à être atteint par le mal qui va les toucher. Ça, ce fut le cas de la malédiction des Bani Israël. Comme Allah Azza wa Jal, l'ouïna l'azina kafaru min Bani Israël à la lisan Daoud ou Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Que les gens qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam. Et cela pour leur désobéissance et leur manque de piété. Il fut rapporté selon Abu Daoud, selon Ibn Mas'ud, ou par Abu Daoud, selon Ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna awwala ma dakhala al-naqs ala bani Israël, kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul lahu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna. Qu'il a dit que parmi les choses qui ont été parmi les causes de la perte des Bani Israël en leur début, c'est que tu voyais une personne rencontrer, une personne faire du mal, faire un péché, et lui disait de craindre Allah et de cesser sur le champ, que cela ne lui était pas permis. Thumma yalqahu min al-ghad, fala yamna'u dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu. Falamma fa'alu dhalika darabullahu kuluba ba'dihim bi ba'd. Et bien qu'il lui fait le rappel, cela ne l'empêche pas le lendemain de le rencontrer, cette même personne, qui fait toujours ce mal-là, qui n'a pas cessé, et d'être, de manger en son compagnie, de boire en son compagnie et de le fréquenter. Donc de là, Allah Azza wa Jal les a châtiés en mettant la division entre eux et qu'il a frappé les cœurs des uns avec les cœurs des autres. C'est-à-dire que la scission entre eux est venue. Car il fréquentait des gens mauvais et était en mesure de se séparer d'eux et ne le faisait pas. Et cela s'oppose à ce que nous avons pris comme hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auparavant, lorsqu'il a dit que tu ne fréquentes qu'un croyant et tu ne manges avec toi qu'un homme pieux. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul 'iqab. Et craignez un trouble, une fitna qui ne touchera pas que ceux qui ont été injustes parmi vous. Et sachez que Allah est dur en châtiment. وقال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا بالمنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. Qu'il a dit à Ibn Abbas رضي الله عنه par rapport à ce verset là que Allah عز وجل a ordonné aux croyants de ne pas accepter le mal en leur sein et de rester avec les gens de mal, car il se peut qu'ils soient atteints par le mal que Allah عز وجل enverrait sur ces gens injustes. Vous connaissez également le fameux verset de l'Hijra, lorsque les anges descendront pour prendre les âmes des gens, comme vous le savez. Ce verset, quelle fut sa cause? Que des muslimouns se trouvaient en présence de mushrikines. Et lorsque les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont lancé l'assaut contre ces mushrikines, ils ont tué de ces muslimouns qui étaient présents en leur sein. Et lorsqu'il fut, les compagnons qui ont attaqué ont averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a trouvé parmi eux des croyants, il a dit quoi? Il a dit qu'il s'est désavoué d'eux par rapport à cela, qu'ils n'avaient rien à faire à ce moment-là. Au milieu de ces gens-là. Donc ils ont été atteints en cette dunya de ce qui a atteint ces mushrikines dû à leur présence dans leur milieu, car ils n'avaient pas à y être. Et cela est également confirmé par le hadith de Aïcha, radiallahu anha, قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء بن الأرض يخصف بأولهم وآخرهم. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم qu'il y a une troupe qui va attaquer la Kaaba. Et lorsqu'ils seront à un certain moment de la, avant d'arriver à la Kaaba, ils seront engloutis par la terre, du premier au dernier. قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم plutôt que Aïcha, elle a dit, j'ai dit au messager d'Allah, comment se fait-il qu'ils sont tous engloutis alors que parmi eux certains ne sont pas venus pour conquérir la Kaaba, des gens qui ne sont pas sur la même intention. Il a dit صلى الله عليه وسلم, ils seront tous engloutis, ces gens-là. Puis par la suite, ils seront ressuscités en fonction de leur intention. Le fils de Nour, alayhi salam, a refusé de rejoindre les croyants lorsque le déluge eut lieu et que son père était sur le arche, le safina plutôt, qu'on appelle l'arche, et qu'il a dit à son fils de monter comme Allah Ta'ala, wa nada Nuhun ibna wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Que Nuh a appelé son fils, qu'elle lui a dit, ô mon fils, monte avec nous sur le bateau, ne sois pas avec les mécréants. Il a dit, je vais m'abriter sur une montagne qui me protégera de l'eau. Il a dit, Nuh alayhi salam, nulle protection pour quiconque aujourd'hui hormis à qui Allah aura fait miséricorde. Puis les vagues vinrent entre eux deux, qui séparèrent Nour de son fils, et il fut du nombre des noyés. À tel point que Allah Azzawajal, par la suite, a destitué son fils, yani, il lui a dit qu'il n'était plus des siens. Il n'était plus de sa famille. Lorsque Nour l'a interrogé, il a dit, mon fils, et ta promesse est véridique, قال Azzawajal, قال يا نور إنه ليس من أهلك. Il a dit, oh Nour, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Pourquoi il a choisi d'être avec les gens mauvais, avec les mécréants? Kazalik, imra'atu Lot, la femme de Lot, alayhi salam, qui était complice avec son peuple, qui était ceux qui faisaient la sodomie, ceux qui commettaient l'acte homosexuel. Elle a été châtiée avec eux du fait qu'elle était complice de ces gens-là. Elle était la femme de Lot, mais au fond d'elle, elle penchait pour ces gens-là. Donc elle était prise avec eux dans le châtiment. Alors que Lot et sa famille s'échappaient, ils lui ont dit, nous allons vous sauver, sauf ta femme. Elle sera détruite avec ces gens-là. Et comme on dit, man jalas janas. Celui que tu fréquentes, tu seras son image. Et même les koufars, ils ont une expression qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et les salafs, rahimahumullah, avaient appliqué cette règle-là. Lorsqu'une personne dont la situation leur était méconnue venaient dans leur ville ou dans leur région, d'accord, s'ils ne savaient pas qui il était, ils disaient, regarde chez qui il va et tu sauras qui tu as affaire. Regarde qui sont ses fréquentations. Comme l'homme dit l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, qala, man khafat alayna ou khafiat alayna bid'atuh, lam takhfi alayna ulfatuh. Que celui dont l'innovation nous échappe, c'est-à-dire on ne connaît pas son égarement, on ne le voit pas en apparent, ses fréquentations, elles, ne nous échapperont pas. On verra bien par qui il fréquente, qui il est. D'accord ? Donc ça, c'est un fait qui est humainement reconnu, même chez les koufars, comme nous l'avons dit. Kazalika, parmi les fawa'id des bonnes fréquentations, qu'elles t'apporteront un profit, comme on l'a dit, dans ce bas monde, et surtout dans l'au-delà. Et kazalika, les mauvaises. Les mauvaises te nuiront en ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Car c'est le bon compagnon, qui est-il ? C'est le croyant pieux qui t'incite à faire du bien, qui t'encourage, qui te conseille sincèrement pour ton bien, qui te rappelle lorsque tu oublies, qui te renforce dans les moments de faiblesse. D'accord ? Et celui qui regroupe ses caractéristiques parmi les croyants, lui, ceux-là sont des gens qui sont préservés d'être parmi les gens de la perdition. Comme qu'Allah Azza wa Jal, « Wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa aminu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil sabr. » Dans le sens, Allah, il a juré par le temps. Il a dit, l'homme est dans la perdition. L'homme court à sa perte. Après, il a dit quoi? Sauf, qui sont-ils? Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres et qui s'enjoignent dans le bien, d'accord? Et dans la vérité et dans la patience. Celui qui n'est pas un croyant, il n'agit pas de la sorte, il voit la perdition. Et même si le croyant ou la personne que tu fréquentes ne t'apporte pas un bien directement lui-même, au minimum, il influera sur toi par son comportement. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Moussa, قال إنما مثل الجالس الصالح وجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما يخزيك وإما تبتاع منه وإما تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما تجد منه ريحا تمام خبيثة حديث متفق عليه كلا جلس صلى الله عليه وسلم كلا بون فكوتاسيون. Celui que tu fréquentes qui est parmi les gens pieux, l'exemple entre le pieux que tu fréquentes et le mauvais, c'est comme celui qui vend du parfum et le souffleur de verre. Le vendeur de parfum, soit tu vas en acheter de lui du parfum, ou au minimum, tu trouveras de lui une bonne odeur. Quant au souffleur de verre, soit en étant en proximité de lui, il brûlera tes vêtements, par exemple, ou alors au minimum, tu trouveras une mauvaise odeur par rapport à son travail. Et combien on a vu des gens se mettre sur la droiture, d'accord, par la cause de la fréquentation de leur entourage. Même parfois l'entourage dans lequel ils sont trouvés malgré eux. Comme par exemple l'histoire de Thumama. Thumama qui était un mouchrik, kidnappé par les Sahaba. À l'époque, il n'était pas encore muslim. Et après, ils l'ont ligoté dans le masjid. Ils l'ont ligoté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait le voir. Il disait, ma indaka ya Thumama, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et Thumama le disait, si tu me tues, tu tues un être humain. Si jamais tu es bienfaisant envers moi, je suis reconnaissant. Et si jamais tu me relâches, je te donne ce que tu veux. Dans le sens. Et cela trois jours d'affilée. Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait le voir et lui demander « Ma'anaki asumama ?» Et il répondait la même question, la même réponse. Et il ne lui a jamais fait de mal. À la fin, il a dit aux sahaba « Libérez-le. » Qu'est-ce que Thumama est parti faire? Il est parti dans un coin du masjid, il a fait le roufl, il s'est lavé, il a fait la shahada, et il a dit, je suis soumis à Allah Azza wa Jal. Ce par quoi? Par le comportement qu'il a eu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ça, ce fut très nombreux dans l'histoire de l'islam. Des gens qui sont convertis à l'islam, par le comportement des gens pieux. Cela est très fréquent. Tout comme à l'inverse, comme le prouve le hadith de Abu Moussa avec le souffleur de verre. Combien ont été affectés? D'accord? Qui sont, par exemple, des gens qui ont voulu être sur la droiture, ils ont commencé, ils ont fini par lâcher et à flancher. Et cela à cause de quoi? Du fait qu'ils n'ont pas lâché leur fréquentation et leur entourage. Ils n'ont pas laissé, le croyant doit craindre cela. Si jamais tu te mets droit, tu dois le faire complètement. Ya ayyuhallazina amanu, utkhulu fi silmi kaffa, wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Oh, vous qui avez cru, entrez dans l'islam complètement. Et ne suivez pas les pas de shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc tu te soumets complètement dans ta croyance, dans tes actes, dans tes paroles, et surtout dans tes fréquentations, comme encore le Ta'ala, « Fastaqim kama umirt, wa man taba ma'ak, wa la tatra'uf, innahu mimma ta'maluna khabir. Innahu bima ta'maluna basir. » Dans le sens où Allah Azzawin, il a dit « Et tiens-toi droit, comme cela t'a été ordonné. » Et ainsi que ceux qui sont repentis avec toi. Et ne trépassez pas les limites. Et que Allah est parfaitement clairvoyant dans ce que vous faites. Donc Allah Azza wa Jal a ordonné son messager d'être sur la droiture, chose qui était évidente. Mais cet ordre-là est valable pour tout le monde en réalité. Et ça, c'est le cas des gens de la caverne. Les gens de la caverne qui se sont sauvés de leur peuple. Comme Allah Azza wa Jal, « Innahum iyadharu alaykum yarjumukum » Ils ont dit quoi? Si jamais votre peuple vous trouve, alors ils vont vous lapider, ou alors ils vous feront retourner dans leur religion. Et vous ne réussirez donc jamais. Ils se sont sauvés de ces gens-là, pourquoi? Pour cette raison-là. Par crainte de retourner en arrière. Comme l'a dit l'imam Shankati Ta'ala par rapport à ce verset-là. Donc là, il faut faire attention. Des gens se sont convertis en islam, on en a vu plein. Ils étaient convertis, motivés, mais n'ont pas laissé leur ancienne fréquentation. Ils ont continué à fréquenter les gens d'avant, comme des délinquants, comme des dealers, comme leur ancienne petite copine, ou le contraire, au point de tomber dans zina à nouveau. Ça, c'est une chose qui est fréquente. Et certains même sont retournés en arrière ou apostasiés. Ils ont fait les premiers pas et sont retournés en arrière. À cause de quoi? De la fréquentation mauvaise. Donc Allah Azza wa Jalla t'a honoré par l'islam, l'istiqama, la droiture et la sunnah. Comment vas-tu rabaisser ta personne à aller vers des gens qui n'apporteront que nuisance? Il est permis de se rendre vers eux, pour celui qui est capable de et qui est doté de connaissances, qui a du ilm, pour les conseiller, pour les appeler au bien. Mais cela ne veut pas dire que tu les fréquentes. Juste, si l'occasion se présente, par exemple, sans qu'il y ait de haram, tu les rencontres, tu l'invites. Demain, il y a par exemple une akika, il y a une walima, une occasion, t'en invites un, deux d'entre eux, alors que les frères sont plus nombreux, ils voient les frères, peut-être que ça va les influencer, ça va leur apporter du bien, leur faire du bien ou autre. Tu les appelles par téléphone, quelques messages. Car Allah guide qui veut, comme Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui veut. Wa qala ta'ala, laysa 'alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Que leur guider ne te revient pas, mais Allah guide qui il veut. Car si t'as mis toi, tu es amené à faire da'wah ces gens-là, sache que eux aussi vont te faire da'wah pour te ramener en arrière. Ce fut le cas du qui? De Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet oncle qui le protégeait, qui le respectait, qui l'aimait, il aimait son neveu, même qui croyait en sa véracité. Ce sont les deux morts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir pour l'appeler à faire la shahada. Il a refusé. Pourquoi? Les fréquentations qu'il avait. Abu Mayya qui était présent et Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle je pourrais te défendre. Et lui disait quoi? Vas-tu délaisser la religion de Abdel Muttalib pour te dire tu vas nous laisser? Et qu'est-ce qu'il a dit à Abu Talib qui reste sur sa religion? Il est mort sur le kufr. Au dernier moment, ses fréquentations l'ont amené à se causer à sa perte. Et également l'orgueil qu'elle n'a pas accepté la vérité. Et malgré cela, ce qui est assez paradoxal, c'est que malgré tout, cette fréquentation qu'il a eue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant mécréant, lui a apporté une faïda dans l'au-delà, c'est qu'il a eu un châtiment qui lui était amoindri, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait shafa'a pour lui. Comme cela est dans le hadith de Abbas, qala, ma arnaita an ammik, fainu kana yahouk, ou yahoutuk, wa yardablak, qala, huwa fi dahdah min nar, wa lawla ana, la kana fi dar kel asfali min nar. Qui lui a dit quoi? Ô message d'Allah, qu'as-tu apporté à ton oncle qui a été protégé et se mettait en colère pour toi? Il lui a dit, il est dans une surface du feu. Il s'en avait été, par ma cause, c'est-à-dire mon intercession, il serait au niveau le plus bas du feu. Au niveau le plus bas du feu. Wali'azabillah. Donc ces gens-là, qui ont le cœur malade, qui ne veulent pas progresser, ne veulent pas que ce soit la guidée. Comme a dit Ta'ala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Qu'il a dit quoi? Et pas des munafiqin, mais cela concerne toute personne qui ne veut pas accepter la guidée, qu'ils aimeraient que tu m'écroies comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Donc ne prends pas d'alliés parmi ces gens-là jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra, c'est-à-dire pour les koufars, jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ne les fréquentent pas, et ceux qui sont désobéissants pareil, jusqu'à ce qu'ils deviennent droits. Wa qala subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَاعُوا. Qui ne cesseront de vous combattre pour vous ramener en arrière de votre religion tant qu'ils le pourront. Et dans le Coran, beaucoup d'exemples sont venus par rapport à cela, par rapport aux prophètes et leur peuple. Par exemple, parmi les preuves que l'entourage joue sur toi, ce qu'a rapporté les deux imams, Yani Mutafakun Ali, Bukhari Muslim, selon Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ras al-Kufr, Nahwa al-Mashriq. والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. Que la base de la mécréance vient de là où le soleil se lève, vient du levant. Et l'orgueil, la vantardise et le côté hautain se trouve chez les éleveurs des chevaux et la rudesse et la dureté, sévérité, chez les éleveurs de chevaux, de chameaux et les gens qui lèvent leur voix, c'est-à-dire les éleveurs de chameaux, les bédouins. Alors que la douceur, la quiétude se trouve chez les éleveurs des ovins, ceux qui gardent les moutons, les chèvres, les brebis. Parmi ce que les ulama ont expliqué de ce hadith, pourquoi ces caractéristiques ont été trouvées chez ces gens en particulier, comme rudesse et dureté des cœurs, car ils sont dus à l'élevage de ces animaux qui sont des animaux de caractère. Le chameau est connu, le cheval également sont des animaux. Le cheval est un animal qui est très noble, de beaucoup de valeur, très beau, qui peut amener à ce que son propriétaire devienne vaniteux et devienne hautain. le fait qu'il soit au milieu de ces animaux-là a influé sur son comportement. Alors que les ovins sont des animaux qui sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus dociles et de moindre valeur. Donc leurs propriétaires sont des gens plus modestes. Et d'ailleurs, ces animaux-là renferment une baraka. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittakhizi al-ghanam fa inna fiha baraka. Il a dit à sa cousine qui était Umhani, il lui a dit, prends les ovins, car il y a en eux une baraka. Donc cela revient à ce qu'on disait auparavant, que cette baraka des ovins touche leur propriétaire. Et là, on parle bien évidemment des gens pieux. Des gens pieux. Donc qu'en est-il avec l'être humain? Oui, Cheikh l'Islam, il parle de cela. Par rapport aux effets de l'entourage sur l'individu, même entre mécréants et croyants. قال وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشوا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم. Qu'il a dit, nous avons constaté que les juifs et les chrétiens qui ont vécu au milieu des musulmans sont de moindre mécréance que les autres. Et contrairement à cela, nous avons vu que les musulmans qui vivent au milieu des juifs et des chrétiens sont de une foi plus faible que les autres musulmans. Pourquoi est-ce que ça joue par rapport à l'entourage? Ton milieu de vie joue sur toi. Parmi les profits de la bonne fréquentation dans l'au-delà, c'est que cela sera peut-être une chafara pour toi, intercession. Car ces gens-là que tu auras fréquentés, qui t'auront vu, peuvent intercéder pour toi en ta faveur. Comme dans le hadith d'Abu Saïd, le hadith de l'intercession. Lorsque les croyants auront passé le pont au-dessus de l'enfer, à Sirat, ils diront, parce qu'ils ont vu qu'ils ont réussi à passer, ils diront, Rabbana ikhwanuna, kanu yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa ya'maluna ma'ana, fayaqulu Allah ta'ala, izhabu faman wajadtum fi kalbihi mithqal dinarin min iman, fa'akhrijuhu. Ils diront, oh notre Seigneur, nos frères, ils faisaient la salat avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils œuvraient avec nous. Allah dira, retournez, et celui dont vous trouvez dans le cœur un grain de dinar dans le cœur de foi, leur sortez-le du feu. Donc ces gens-là, regardez bien, les croyants, après avoir passé le pont de l'enfer, ils pensent à qui? À leurs frères qu'ils ont connus. Ils pensent à eux. Ça, c'est un intérêt qui est ardé, Yom al-Qiyamah. Et la pire, par contre, des fréquentations parmi les gens de l'islam, parmi les gens qui sont dans l'islam, par laquelle peut être éprouvé le croyant, c'est Ahl al-Ahwa, les gens des passions et de la bid'a et des égarements. Comme a parlé subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Que si jamais tu vois ceux qui parlent sur nos versets, c'est-à-dire qui parlent mal sur nos versets, alors détourne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si jamais le shaitan te fait oublier, ne t'assois pas avec eux après que tu aies été rappelé de ces gens-là. وَقَالَ تَعَالَى وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَمِيعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Qu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens, ils ont fait descendre sur vous dans le livre, que si jamais vous entendez des gens qui mécroient ou qui se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne leur tenez pas compagnie, jusqu'à ce qu'ils changent de parole et de discours. Sans quoi vous serez comptés parmi des leurs, vous serez comptés comme étant parmi des leurs. Et que Allah j'y réunira entre les hypocrites et les mécréants dans le feu de l'enfer, tous ensemble. Ad-Dahak, selon Ibn Abbas, bien que Ad-Dahak n'a pas entendu de Ibn Abbas, c'est un isnad qui est coupé. Ibn Abbas, il aurait dit, Dakhala fi hadhihi al-aya kull muhdithin fi ad-din wa kull mubtadi' fi yawm al-qiyamah. Ce verset-là, d'accord, englobe également toute personne qui aura apporté une chose nouvelle en religion et tout innovateur. Ce verset-là, parce que les innovateurs, dans leur bid'a, ils se moquent de leur religion. Tu n'as pas le droit de leur tenir compagnie. Wa qala Ibn Abbas kadhalik la tujalisu ahl al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridah lil-qulub. Il a dit, ne fréquentez pas, ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car leur fréquentation est une chose qui rend les cœurs malades. Wa qala Abu Qilaba la tujalisu ahl al-ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aman an yurmisukum fi ad-dalalah. Il a dit, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne polémiquez pas avec eux. car je crains qu'ils ne vous fassent plonger dans l'égarement et qu'ils ne vous trompent par ce par quoi ils ont été trompés. Et l'exemple très souvent cité par les ulama, celui de Imran ibn Hattan, qui était parmi les tabi'in ou les tabi'in, j'ai oublié, qui était un homme qui était sunni. Il a voulu se marier avec une femme qui était une kharijiyya. Et il a dit, je vais marier avec elle et je vais l'amener vers la vérité. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui a pris le dessus sur lui et qui l'a fait rentrer dans le menhej des khawarij. À tel point qu'il s'est mis à vanter l'homme qui a tué Ali ibn Abi Talib. Donc regardez, par sa femme qu'il a fréquentée, il a voulu se marier avec elle sous prétexte de la ramener vers lui. C'est elle qui l'a ramené vers lui. Vers elle plutôt. C'est elle qui l'a ramené vers lui. Donc dans le verset Allah, il dit bien que si on reste avec eux, nous serons comme eux. Donc cela revient à ce que nous avons dit auparavant, que l'homme est sur la religion des gens qu'il fréquente. Et qu'au minimum, s'il ne les fréquente pas, qu'il s'éloigne d'eux autant qu'il peut, par crainte d'être imprégné par leur mal, ou qu'il soit atteint du châtiment qui plane sur eux. Et pour finir, nous devons savoir que le plus grand élément qui puisse indiquer que tu t'es vraiment, vraiment différencié de ces gens-là, cela apparaîtra à travers leur comportement envers toi et dans leur ensemble. Si jamais tu vois qu'ils t'apprécient et qu'ils tentent de s'approcher de toi, cela indique que tu es toujours sur leur voie ou qu'ils sentent qu'il y a encore un lien entre vous. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Que certes les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur voie, et que la voie, c'est la vraie guidée, celle d'Allah Azza wa Jal, et que si jamais tu suis leur passion après que tu aies la science, le savoir du faux qu'ils ont, tu n'auras aucun secoureur et aucun allié contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu as su la vérité et que tu sais que ces gens-là se font le faux, d'accord, tu n'as pas le droit d'aller les suivre et d'aller avec eux. Donc, s'ils te prennent en ami, c'est que tu suis leur désir et cela au prix de ta religion et de la vérité. Comme encore le ta'ala, « وَنِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَلِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ إِذَنْ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَكَدَ كِدَّ تَرْكُنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Qu'ils ont failli t'éprouver, en parlant au prophète, de ce que nous t'avons révélé, pour que tu puisses mentir sur nous. C'est-à-dire, te dire des choses pour que tu changes la révélation. Et si jamais tu avais fait cela, ils t'auraient pris comme ami. Car c'était ça leur but. Et si nous t'avions pas raffermi, tu aurais penché vers eux, ne serait-ce qu'un peu. Et à ce moment-là, nous t'aurions fait goûter le double châtiment en ce bas monde et dans l'au-delà. Et tu n'aurais trouvé de nous aucun secoureur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à propos des gens qui étaient amis dans cette dunya. Yom al-qiyama, qala ta'ala, qala qailun minhum, inni kana li qarin. L'un d'entre eux dira dans le sens, j'avais un ami. Thumma qala, il leur dira, est-ce que vous regardez, c'est-à-dire vous qui êtes préservés, regardez les gens qui sont châtiés, regardez. Donc il a regardé et de là il a vu quoi? Il a vu qui? Son ami. Son ami, il le voit où? Dans le feu. Il a dit par Allah, tu as failli me causer ma perte. Si jamais ça avait été le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été avec toi en bas dans le feu. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme-là était préservé parce que Allah l'a préservé. Mais en réalité, cet ami-là aurait été une cause pour lui de sa perte. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et ne vous penchez pas, ne vous appuyez pas, ne prenez pas de secours auprès des gens qui ont été injustes, car vous serez touchés par le feu. Et vous n'aurez pas, en dehors d'Allah, d'alliés ni de secoureurs. Et le sujet peut être très large encore, mais c'est en résumé, en guise de nasiha pour nous-mêmes, c'est que pour nos frères et nos sœurs de façon générale. فَبِهَذَا الْقَدْ نَكْتَفِي وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.